Chapitre 7e. Les locataires qui rentrent tard. Chef, doucement, soyez prudent. Nous touchons maintenant au point capital de l'expédition. Naturellement, nous sommes arrivés à trouver le couloir par lequel le vrai Zigomar descend dans le souterrain de la baleine, par lequel l'autre jour il a pu nous jouer son tour. C'est un joli succès pour votre perspicacité. Il faut maintenant que nous sachions où donne ce couloir, où il aboutit. Dans quel immeuble parisien? Dans quelle rue? Et cela n'est pas le plus commode. Paulin Broquet et Gabriel se trouvaient au bout de quelques marches en grès, partant du sol des catacombes et remontant. Au haut de ces marches, ils venaient de se heurter à une épaisse porte de bois et se trouvaient arrêtés dans leur expédition. Arrêtés autant qu'un homme comme Paulin Broquet puisse être arrêté par un obstacle de ce genre. Paulin Broquet, tout d'abord, s'assit sur le dernier degré après avoir constaté qu'il était sec et ne l'exposait pas à prendre un demi-bain. Puis, il tira de sa poche un plan de Paris et une boussole, et éclairé par Gabriel qui tenait sa petite lampe électrique, il se mit à consulter le plan, à tracer dessus des lignes avec son crayon. « Bon, » fit-il au bout d'un moment, « bon, je crois que nous nous trouvons à hauteur du boulevard de Port-Royal. » J'ai calculé avec le podomètre à peu près le chemin que nous avons parcouru depuis que nous sommes entrés dans le souterrain. Le temps que nous avons mis en comptant les détours doit nous conduire ici. Et si ma boussole est fidèle, dans cette direction, nous sommes boulevard de Port-Royal, à peu près à la hauteur de la rue Saint-Jacques, vers les numéros 80 ou 90. D'ailleurs, nous allons le constater. Comment cela, chef ? Nous savons quels sont les numéros qui sont séparés par les rues coupant le boulevard. Nous ne pouvons faire erreur. Ils sont indiqués sur ma carte, mais pour nous en assurer, il faut que nous arrivions à sortir par la maison dont les caves donnent sur ce souterrain. Et comme l'eût fait cet excellent monsieur de la Palisse, à regarder sur la plaque de l'immeuble pour connaître le numéro. Paulin Broquet replia soigneusement sa carte, plaça son crayon dans sa poche et se leva. « Mais pour sortir de la maison, chef, dit Gabriel, il faut d'abord y entrer. »« C'est ce que nous allons faire, mon garçon. »« Cette porte n'a pas été pratiquée seulement pour les chats des caves ou pour Zigomar. Elle peut s'ouvrir pour nous. » Déjà, le détective avait tiré de la trousse qu'il portait un attirail de parfait cambrioleur. Des outils de cambriolage dernier cri, perfectionnés, nickelés, jolis, comme des instruments de précision. Il en choisit deux qu'il ajusta l'un à l'autre. Cela constituait une sorte de lame, de levier. Inutile, dit Paulin Broquet, de chercher à ouvrir la serrure. C'est un énorme engin simple, robuste, qui n'a pas, comme les serrures modernes à secret et à pompe, l'avantage de ne pas faire de bruit quand on les ouvre, pour entrer chez soi, ou pour cambrioler. Celle-là ferait un tapage du diable, en grinçant. Tandis qu'en soulevant la porte, nous la tirons de sa gâchette, et nous passons tranquillement sans que personne s'en doute. Une fois dans la maison, ouvrir la porte de la cave et sortir en demandant poliment le cordon, ce sera un jeu d'enfant. Peu après, en effet, non sans quelques robustes pesées, Paulin Broquet, secondé par Gabriel, ouvrait la porte du souterrain et pénétrant non dans une des caves de la maison, comme il s'y attendait, mais dans un nouveau boyau du souterrain. Ce boyau, dans lequel ils s'engagèrent, conduisit les détectives devant un mur en maçonnerie. « Hein ?» fit Paulin Broquet. « Voilà le mur qui fait croire aux locataires que les catacombes sont bouchées. Cependant, puisque les aides, le grand Zigomar et son conseil passent par là, ce mur doit avoir une ouverture. Comme dirait encore notre cher La Palisse, et par cette ouverture que nous allons trouver, nous allons nous aussi passer. » Paulin Broquet examina attentivement le mur. Il était composé de briques assemblées par du plâtre, mur très simple et peu résistant en somme. En l'étudiant, Paulin Broquet, aux yeux de qui rien n'échappait, vit que les briques du bas reposaient non sur une raie blanche, une raie de plâtre, mais sur une raie noirâtre. « Parfait, » fit-il, « voilà le secret, nous allons passer. » Il prit dans sa trousse un nouvel instrument, et il le glissa non pas à fleur de sol, mais sur le côté du mur, celui des côtés qui touchaient à la paroi du souterrain. Après quelques pesées, tout doucement, le mur s'entr'ouvrit. C'est-à-dire que dans ce mur, un carré de briques assez large pour donner passage à un homme était encastré dans un cadre de fer qui tournait sur ses gonds comme une porte. Cela constituait en somme une petite porte, je n'ose pas dire une chatière, par où, en se baissant un peu, un homme pouvait passer aisément. Paulin Broquet et Gabriel, ayant ouvert cette porte singulière, cette porte en briques, avant de s'engager dans la cave dont elle formait le mur du fond, jetèrent prudemment dans cette cave la lueur de leur lampe électrique et l'inspectèrent avec précision. La cave n'apparaissait d'ailleurs pas en entier. Devant la porte se trouvait un amas de vieilles caisses, de tonneaux, un débarras de malles défoncées, de chaises cassées. Ceci servait à masquer le fond de la cave à celui qui descendait par le chemin des locataires, à empêcher qu'on pût apercevoir, bien que cela fût cependant très difficile si l'on était averti, la porte de briques. Mais entre ce débarras et le mur se trouvait un petit chemin, un couloir assez large, pour passer sans être obligé de grimper sur les matériaux amoncelés. Paulin Broquet s'engagea d'un côté de ce chemin. Gabriel prit par l'autre. Et ils se trouvèrent au milieu de la cave, qui, outre ses débarras, renfermait ce que toute cave de paisible bourgeois doit honnêtement contenir. Des bouteilles de vin alignées sur des grillages de fer, comme le miel dans les alvéoles. À terre, des bouteilles à casque doré. Et dans du sable, d'autres bouteilles de plus petit format. Puis, des tonneaux, des faillettes, et dans un coin, une montagne de charbon de terre. Restait la porte dont notre accès dans la cave. Après les autres, celle-ci ne nous arrêtera pas, je suppose, dit Paulin Broquet. Il s'y attaqua comme nous l'avons vu faire. Silencieusement, la porte s'ouvrit. Nous avons de la veine, dit le détective à son second. Que Zigomar n'ait pas eu ce soir l'idée de faire une promenade dans les catacombes, ou besoin de visiter sa cave. Peu après, Paulin Broquet et Gabriel se trouvaient dans l'escalier qui servait aux locataires. Avec la prudence que les détectives mettaient dans leur démarche quand il le fallait, se faisant, selon le terme très caractéristique, des pattes de chat, ils montaient cet escalier et se trouvaient enfin devant la porte qui donnait sur le vestibule. Les deux détectives s'arrêtèrent avant d'appuyer sur le loquet qui seul fermait cette porte. Ils écoutèrent, ne voulant s'avancer qu'à coup sûr. Dans l'escalier, le silence régnait absolument. Paulin Broquet alors posa la main sur le loquet. Il commençait à appuyer dessus pour l'ouvrir, quand la sonnerie du timbre résonna dans la loge de la concierge. Le détective s'arrêta dans son mouvement. Il attendit sans bouger, ne voulant pas reposer le loquet, le laisser retomber, de peur de causer un bruit, si léger fût-il, qui eût pu être entendu, maintenant que dans la maison quelqu'un s'éveillait, que des gens allaient pénétrer. La concierge tire le cordon, la porte d'entrée s'ouvrit. « Il me semble que cette porte est bien loin, » fit doucement le détective à son second. Les locataires entrèrent dans la maison. Il y aurait une cour, un jardin, que cela ne m'étonnerait pas du tout, murmura encore Paulin Broquet. Maintenant on entendait clairement claquer les talons des souliers d'une femme et craquer les bottines d'un homme. « Talons très hauts, » fit Paulin Broquet, « minces, mais carré à la base, pas de glissement de semelle. Ce sont des souliers très fins, de femme. L'homme marche irrégulièrement. Il tape d'un pied plus que de l'autre. Les bottines craquent, preuve qu'elles sont peu usagées. Ce doivent être des bottines vernies qui font mal aux pieds. » Peu après, un foufoutement soyeux annonçait qu'une femme jeune et alerte grimpait l'escalier rapidement. « C'était très amusant, » dit la voix de la jeune femme. Cette revue m'a bien fait rire. C'était plein d'esprit. Oui, mais j'ai hâte de me fourrer dans mes pantoufles. » Paulin Broquet dit encore. C'est bien cela, un jeune ménage qui rentre du spectacle. À 3 heures du matin. Il s'est arrêté en chemin. On entendit encore la jeune femme, en se hâtant de monter, dire quelques phrases brèves. Elle parla de chiens, qui avaient peut-être fait du tapage en l'absence de leur mère. Et le mari grommela 2 ou 3 fois des paroles qui n'arrivèrent pas jusqu'au détective. Puis une porte claqua. « Les voilà chez eux, » fit Paulin Broquet. « Nous pouvons sortir. » Paulin Broquet ouvrit le loquet, doucement, sans bruit, puis fit tourner la porte. Il sortit de la cab. Gabriel le suivit. « Ah !» fit-il, respirant un peu d'air. Paulin Broquet ne s'était pas trompé. Après le vestibule sur lequel donnait la porte de la cave, quelques marches menaient à une sorte de petit jardin qui divisait l'immeuble. Un autre couloir en face conduisait à la loge de la concierge, à la rue. Paulin Broquet et son second s'engageaient dans ce couloir. Ils allaient frapper au carreau de la loge de la concierge quand de nouveau le timbre de la loge retentit. « C'est donc à 7 heures, dit Paulin Broquet, que rentrent les locataires de cette maison. Profitons-en pour sortir. » Il passe alors avec Gabriel devant la loge sans signaler sa présence. Le déclic de la porte se fit entendre. Paulin Broquet et Gabriel se placèrent un peu en arrière, de façon à être vus quand les nouveaux locataires pénétreraient, à ne pas les effrayer, leur faire donner l'alarme. Par surcroît de précaution, bien que le petit jour jeta déjà dans le couloir sa lueur blafarde, il gratta une allumette au moment où la porte roula. Un homme parut qui poussait la porte de la main gauche. Il entra en somme à reculons, car il était tourné vers la rue et faisait signe de la main droite vers une automobile qu'il avait conduit ici. Dans cette voiture, Paulin Broquet aperçut une tête d'homme et la blondeur d'une chevelure de femme que couvrait seulement une sortie de théâtre. « Good night, tomorrow !» dit l'homme qui entrait. Paulin Broquet tressaillit en entendant cette voix. Le locataire ayant dit « Bonne nuit, à demain » à ses amis, se retourna pour pénétrer dans la maison. Il aperçut alors Paulin Broquet et Gabriel qui se tenaient, selon leur méthode, pour empêcher quelqu'un de fermer la porte tout près du battant de celui-ci. Paulin Broquet avait jeté son allumette, maintenant que sa présence et celle de son second étaient signalées. Ils se trouvaient, lui et Gabriel, dans la pénombre. Mais le locataire recevait la clarté qui venait par la porte de la rue, toute grande ouverte. Paulin Broquet passa devant le locataire, grandement surpris de voir deux hommes surgir ainsi tout à coup. Il esquissa, ainsi que Gabriel, un salut et prononça rapide « Pardon, monsieur ». Et il franchit la porte, sauta sur le trottoir, tout en saisissant la poignée de bronze du volant et la tirant à lui. La porte se referma, laissant derrière dans le couloir le locataire surpris et abasourdi. « Hop !» fit alors Paulin Broquet à Gabriel. « Cours, traverse le boulevard, va de l'autre côté pour voir. » Pendant que Gabriel, en courant, obéissait, Paulin Broquet courait lui aussi vers la maison voisine, sur le même trottoir. Il s'asseyait sur la marge de la porte, prenait ses genoux entre ses bras, appuyait sa tête sur ses genoux, comme font les miséreux qui dorment dans les coins des maisons. Paulin Broquet, en donnant cet ordre à Gabriel, en courant lui aussi, voulait ne pas trop s'écarter de cette maison d'où il venait de sortir de si singulière façon, et cherchait à revoir le locataire, car le détective tenait pour certain que cet homme allait également sortir de la maison. Or, cet homme, il le connaissait. Il en avait eu la certitude non pas quand il le vit sur le point de pénétrer chez lui, quand il aperçut sa grande barbe, mais quand il l'entendit parler. C'est pour cela que promptement il ferma la porte, de façon à ne pas lui permettre de sortir en même temps qu'eux. Paulin Broquet voulait gagner quelques minutes pour pouvoir se cacher, mieux voir, pister cet homme qui l'intriguait fort. Le locataire fit exactement ce que Paulin Broquet avait prévu. Se remettant de son saisissement, il voulut voir qui sortait ainsi de la maison. Peut-être, en cette seconde où les regards se rencontrèrent, éprouva-t-il le même saisissement que Paulin Broquet en l'apercevant? Bref, il frappa la croisée vitrée de la concierge, demandant le cordon avec insistance. Le concierge ne s'était pas encore replongé dans le sommeil. Toutefois, elle tâtonna, chercha la poire qui commandait le ressort de la porte. Cela demanda quelques secondes. Enfin, le déclic joua, et la porte montra par une raie plus claire qu'elle s'entrouvrait. Le locataire aussitôt se précipita dehors. Mais avant de sortir, pendant ces quelques instants, il fouilla dans la poche de son habit, en tira un objet comme une sorte de foulard, qu'il appliqua sur le bas de sa figure. Il releva le col de son par-dessus, courba un peu sa taille, et se métamorphosant en somme, il mit le pied sur le trottoir. Rapidement, avec anxiété, Il regarda en haut et en bas du boulevard de Port-Royal, cherchant évidemment les deux hommes qui venaient de lui passer sous le nez et qui certainement ne devaient pas être très loin. Il hésita quelques secondes, puis se décida à remonter le boulevard à grands pas, jusqu'à la prochaine rue qui formait angle droit et dans laquelle il pensait que ceux qu'il cherchait pouvaient être engagés. Marchant ainsi, il passa devant Paul et Broquet, accroupi dans le coin de la porte. Sur lui, il jeta un coup d'œil rapide, inquiet. Paul et Broquet ne bougea pas. Il continua d'être le miséreux qui est venu sur ce boulevard lointain, désert, essayer de dormir dans ce coin, loin des agents, en attendant la distribution de la soupe aux mendiants que font les hôpitaux du voisinage. Mais Paul et Broquet, lui, sans bouger, put le regarder encore, l'étudier mieux. Il l'avait vu sortir, pressé, nerveux, de la maison. Il avait suivi tout son manège d'hésitation, d'indécision. Il ne pouvait douter que ce ne fût le locataire à la grande barbe, parlant anglais, dont la voix l'avait si singulièrement frappé. Or, maintenant, cet homme passait devant lui, murmurant encore des paroles en anglais. Mais il n'avait plus sa grande barbe. Il semblait rasé. « Bon, bon, » fit le détective. « Va toujours, beau masque. » L'homme tourna le coin de la rue. À son sens, évidemment, ce qu'il voulait atteindre ne se trouvait pas sur le boulevard. Avait dû certainement s'engager dans cette rue pour disparaître aussi promptement. Paul Broquet attendit quelques instants qu'il eût tourné le coin de la rue, et il cessa de faire le miséreux. Il se leva. Traversant rapidement le boulevard, il rejoignit Gabriel qui, de son côté, n'avait pas négligé de surveiller le locataire affolé. « Sais-tu qui est cet homme ?» dit brusquement le détective à son lieutenant. « C'est Thorn Twick !»